Gérard, Gérard, t'es avec nous? Ouais. Ça va, mon pote? Rappelle-moi du numéro d'hier, parce que là, ça va pas être possible, comme Sandy à l'enregistre. Rappelle-moi sur le numéro que t'as. Non, non, mais c'est pas grave, elle peut enregistrer, mais c'est le son, c'est pas grave, parce qu'on a besoin d'avoir ta réaction par rapport à l'éclipse. Ouais, non, mais moi, je préfère être à la cabine. Au moins, ça sera mieux, comme ça, si tu veux me parler après, ça sera mieux. Ok? Bon, alors, allô? Ouais. Bah, tu vois, ça passe pas. Hop, vas-y. Gérard? Fabrice? Oui, oui. Tu veux parler ou pas? Oui, oui, oui. Ouais. Gérard? Bon, ça passe pas, alors... Gérard? Ouais. Allô? Ouais. Ouais. Bon, rappelle-moi au numéro que t'as dit hier. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends rien, qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, Gérard, t'es tout assuré. Attends, qu'est-ce que tu dis? Bon, rappelle-moi sur le numéro d'hier. Il veut qu'on le rappelle sur son portable. Bah, on va le faire, mais on l'a déjà sur le portable. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Rappelle-moi sur le numéro de la cabine. Oh là là, ça coupe, là. On n'entend rien. Qu'est-ce que tu racontes? Rappelle-moi sur le numéro de la cabine. Oh là là, il a raccroché, là. Ça a coupé, c'est pas possible. Non, mais c'est pas vrai, là. Putain, il est, on n'entend pas. Mais il est où, ce con, là? Putain, il me fait chier, celui-là, putain. Gérard? Quoi? Est-ce que tu... Non? Oh non. Hein? Connard. Tu PD ou pas? Gérard, bon, et là, c'est quel con. Allô? Ah, il a coupé, faut le rappeler. Excuse-moi, Fabrice, on parle de l'éclipse dans un instant. On a Grégory qui a 18 ans, qui est de Lille et qui va participer vite fait au débat de l'éclipse. Hein, que c'est marrant, Fabrice, on t'a fait passer le mot ou pas? Parce que j'avais préparé un débat sur l'éclipse, c'est marrant. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est bien tombé, tu vois. Grégory, t'es avec nous? Ouais, je suis là. 18 ans de Lille, on va parler de l'éclipse un peu. Hein. Y a pas de problème. Surtout dans les bus, pendant l'éclipse spécialisée dans les bus. Mais justement, j'étais dans le bus, effectivement. Ah bah justement, alors on va en parler dans un instant. Pour l'instant, on rappelle Gérard, parce qu'on a eu un petit problème technique, donc on essaie de le joindre, faut faire vite. Il est minuit moins 20 si vous voulez nous joindre et participer à ce débat sur l'éclipse, 0803-08-5000. Et ensuite, on remballe, on va se coucher. Hein. Moi, je suis fatigué, en plus demain, j'ai une dure journée, donc je pense que je vais finir plus tôt que prévu. J'ai un petit. Allô? Oui. Ouais, Sandy. Ouais, bonsoir. Il est là, Gérard? Bah justement, il vient juste descendre en bas à la cabine. D'accord, ok, il est à la cabine. Et toi, bien ou pas? Allô? Tu nous entends pas bien là? Oh là là, j'entends mal. Ouais. J'entends très mal, hein. Grosse conne, tu nous entends pas, espèce pétasse, ou pas? Non, mais là, ça peut être possible avec le portable, hein. Parce que j'entends rien, hein. Espèce salope. Comment? C'est quoi qu'il dit? Hein? Qu'est-ce que t'as dit là? Moi j'ai rien dit moi. Il est où, Gérard? Là il est descendu à la cabine. Oui, mais il est où? Bah juste en bas. Oui, mais où? En bas de. En bas de notre chambre quoi. Enfin, ouais. Juste en bas quoi. Où ça exactement? Où ça? En face du RER. À droite ou à gauche? Plutôt à droite. Vas-y, montre-le-nous. Tiens, il est juste vous là. Il est où? Bon, il est là, Gérard, tu l'as, ça sonne ou pas? Voilà. Mais j'ai pas le numéro, moi. Mais t'as pas le numéro de la cabine, mais vous êtes non. Des caves. Putain, mais c'est sûr que non, je l'ai pas. C'est... Numéro d'hier, bah oui, mais du coup, on a jeté la fiche. C'est pour ça que je t'ai dit de le pas l'envoyer là-bas. Alors, tu peux dire à Gérard, tu peux gueuler à Gérard qu'on a pas le numéro de la cabine dans laquelle il se trouve. Ouais, mais là, je suis plutôt de l'autre côté, donc il faudrait que je descende, moi. Bah, tu descends, mémé. Hein. Voilà que je prenne mes deux pattes et que je descende. Ah, gros, tu descends. Voilà, je descends tout de suite. Allez, Bibi, vas-y, descends. Allez, à tout de suite. Hein. Ah non, mais en direct, vas-y, en direct. Ah, en direct? Ouais, vas-y, allez, vas-y. Ah bah, faut que je m'amène alors. Ah bah, allez, descends à la poêle. Allez, descends à la vache. Il est où, Gérard? Enfin, disons qu'il faut que je mette une veste ou quelque chose. Mais il fait bon dehors, attends, il fait 40 degrés à l'ombre. Allez, vas-y. T'inquiète pas, il n'y a pas de soleil ce soir, ça s'est calmé, va. Ok. Allez, vas-y, Bibi, descends. Alors, je descends. Hein. Allez, vas-y, descends. Bon, allez, c'est ce qu'on va faire. Je prends quand même la clé parce qu'il faut quand même qu'on rentre après. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Phil, là? On a fait descendre, j'ai le numéro de la cabine. Tu vois? Descends. Vas-y, quoi? Vas-y, descends, la grosse. Non, Forrest. Bon, hein? Bon, il y a Forrest Gump qui est descendu. Bon, sérieusement, Grégory. Ouais, il arrive. Je descends, hein. Ouais, descends. Ouais, tout de suite. Grégory, ouais, on te retrouve dans un instant avec Gérard à faire une pause qu'on avait complètement oublié, mais on a de la publicité à gagner parce qu'on est en train de prendre du fric en ce moment. Ouais, d'accord. Et après, chut, écoute. Téléphone. Je descends. Là, je descends les escaliers. T'as le temps, hein. Elle va descendre. T'as le temps. Elle va descendre dans la cave. Je suis dans la cave. Qu'est-ce que je fais? C'est un peu de bruit, mais c'est mes chaussures. Hein. Ah bah oui. C'est pas grave, vas-y. Vous attendez, là? Ouais, ouais, bah t'inquiète, un pas comme le tien, forcément. Il y a beaucoup d'escaliers, en plus, hein. Je continue à descendre. Non, il dit qu'il enregistre. J'ai continué. Mais non, il est retourné. Comment? Oh putain, elle se fait engueuler par le vieux de l'hôtel. Non, vous inquiétez pas, je... Ah, ça y est, il y a le vieux d'hier, parce qu'hier on est allé... Non, je descends doucement, vous inquiétez pas. Hein. C'est le... Parce que bon, ils sont dans un hôtel, en ce moment, il y a le vieux qui gueule. Ta gueule! Non, vous inquiétez pas, monsieur. Mais non, non, vous inquiétez pas, on fait rentrer personne. Hein. Je m'inquiète pas, je sais ce qu'il y a là, madame. D'accord, mais vous inquiétez pas, vous énervez pas comme ça. Hein. Oh, l'autre vieux, il s'énerve, putain. Oh, putain. Oh, putain, c'est pas possible. Voilà, bon, alors, je parle aussi. J'ai du mal à ouvrir la porte avec le portable, en plus. Alors? En plus, il me voit pas, mince. Quel écran. Ah, j'adore. Mais non, parce que j'essaie de lui faire signe, apparemment, il me voit pas. Bon, vas-y, va dehors. Attends, je pose le portable deux minutes, hein. Ouais. Bon, allez, on est parti chercher Gérard, on va le récupérer dans la cabine, on va terminer ce dernier petit... Ouais. Ouais, ça y est, là, je suis dehors. Ouais. Ouais. Donc, je vais rejoindre Gégé, là. Mais non, mais c'était là, on est en direct, là. Ouais, ouais. Donc, voilà, je suis à côté de Gégé, là. On est, là, on est en, juste en face de la cabine. Oh, c'est trop tard, on avait abusé. Hein? Bon, Gérard. Bah, attends, je te le passe, hein. Mais pourquoi Sandy, t'es descendu? Bah parce que je sais pas, tu m'as dit de descendre, alors je suis descendu. Pourquoi faire? Bah pour Gérard. Ouais, mais pour avoir quoi? Bah je sais pas, vous deviez pas appeler sur la cabine. Remonte, vas-y. Remonte. Ah, remonte. Il y a 4 étages. Hein? Il y a 4 étages. Mane-toi, il y a la clé là-haut. Remonte. Remonte. T'as la clé. Remonte. Reprends le portable, on a le numéro de la cabine. Remonte. Ah, ça y est, vous avez le numéro de la cabine. Ouais, on l'avait finalement. Remonte vite. Ça y est, ils ont le numéro de la cabine, je vais. Bon. Avocat, tu me dis casse-toi. Allez, remonte. Ah, j'avais besoin de moi. Allez. Ah, bah d'accord, c'est sympa. Allez, remonte, Sandy, vite. En fait, il y a le gardien qui m'a engueulé, hein. Allez, dépêche-toi, cours. Gérard, le gardien, il m'a engueulé. Oh putain, elle est con, elle est trop con. Si vous continuez, vous rentrez pas. Oh là. Bon, mémé. Oui. Bon, tu remontes dans ta boutique. Oui. Et nous, on va s'occuper avec Gérard, on a le numéro de la cabine, on va l'appeler dans un instant, d'accord? D'accord, et on va récupérer Grégory, on va discuter un petit peu de l'éclipse avec Gérard. Et il nous reste encore un petit quart d'heure, donc si vous voulez participer à un mini débat avec Gérard, ça va comme ça amorcer un petit peu jeudi soir entre minuit et 2h le grand retour des débats de Gérard. Je pense que ça c'est ce qu'il peut y avoir de plus trash dans l'histoire de la radio. Ça sera le grand retour de Gérard jeudi soir, bien qu'il sera là demain soir pour les conseils de Gérard, mais jeudi soir à mon avis les deux débats. D'ailleurs on aurait dû faire un débat sur l'éclipse. Hein. Je peux te poser une question? Ouais. Bah en fait, pendant que je téléphonais, j'ai pas trop compris ce qui se passait parce que j'étais à fond dans le téléphone et je pensais que ça parlait de l'éclipse. Et... Oui, bon, on va parler de l'éclipse, t'inquiète. Mais là, on parle de quoi? Pff, au fond, on va voir, on va improviser. Hein, Gérard? D'accord. Gérard est avec nous. Salut. Ça va, Gérard? Ouais, salut à toi. Ça va, Gérard? Ouais. C'est cool. Il est parti, là, celui qu'on devait faire le petit débat, là? Ouais, il est parti, je sais pas ce qui s'est passé. Oh, merde. Alors, Gérard, il y a à peu près, je sais pas combien il y a eu d'appels, à peu près 1000, 2000, sur l'internet et Minitel, je te raconte même pas. Les gens ne comprennent pas, et c'est vrai que Grégory a appelé un petit peu pour ça. Il a demandé, tiens, pourquoi Gérard, il fait pas jeudi un débat sur l'éclipse plutôt que nous faire chier avec les débats sur les vacances? Non, mais moi, on avait prévu les vacances, bon, maintenant on peut changer, on peut faire l'éclipse, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de demandes, hein. Ou alors on garde des vacances, on fait l'éclipse et on enlève les... C'était quoi l'autre débat déjà? C'était sur les parcs d'attractions. Les parcs d'attractions. Ouais, on peut garder les parcs pour la semaine prochaine. Oh non, on fait les parcs et l'éclipse, parce que de toute manière, les gens qui ont compté dans les parcs d'attractions ont vu l'éclipse en même temps. Ouais, alors que les gens qui sont partis en vacances, forcément, non. Ils n'ont pas eu l'éclipse. Non. Et Gérard. C'était ou l'un ou l'autre, c'est où tu prenais des vacances, mais si tu prenais des vacances, tu pouvais pas voir l'éclipse, ou tu voyais l'éclipse, à ce moment-là, tu prenais pas de vacances. Ouais, mais de toute manière, l'éclipse, tu peux l'avoir n'importe où. Ouais, mais pas quand t'es en vacances. C'est vrai que l'autre qui était lâché là, j'aurais bien voulu parler un peu avec lui, parce que c'est vrai ce qu'il disait, c'est vrai que tout le monde n'avait pas. pas le droit de rouler, ça c'est réel. Hein. Ah bon? Je peux te confirmer, les routiers, les chauffeurs de bus, tout ça, ils n'avaient pas le droit de rouler. Ah, ils n'avaient pas le droit de rester. Ils pouvaient se mettre sur la moteur d'urgence. Ah ouais. Et c'est tout. Mais ils n'avaient pas le droit de rouler. Mais l'éclipse, elle est passée ou elle a lieu là bientôt là? On m'a dit que c'était au mois de septembre. Non, mais de manière l'éclipse, l'éclipse qu'on a eue, nous, on l'a pas tellement vu sur Paris parce que c'est vrai que le temps n'était pas avec nous, mais sur Fécamp, Rennes et Reims, ouais, ils l'ont bien vu. Elle va revenir l'éclipse? Elle va revenir l'éclipse ou pas? Ouais, de toute manière c'est pour 2081. Ah bah ça va, on va la revoir, alors c'est bon, j'étais inquiet. Ok, Grégory, t'as une question à poser à Gérard? Oui. Ouais, il arrive. Grégory, bonsoir. Bonsoir. Allez, vas-y Grégory, pose ta question. En fait, je trouve qu'il faut parler de l'éclipse maintenant parce qu'après tout le monde va oublier l'éclipse. Hein. Non mais c'est quoi ta question? C'est simplement que ça? En fait moi j'ai pris le bus pendant l'éclipse et les bus ils fonctionnaient vraiment bien, quoi. Tout le monde était dans le bus, c'était marrant. Mais t'es du quel côté toi? De Lille. Non, t'étais assis de quel côté dans le bus? Ah, à droite comme tout le monde. Bah, de toute manière ça m'étonnerait parce que tout le monde n'avait pas le droit de rouler alors. Gérard, est-ce qu'il y a plus de danger, par rapport à une éclipse quand t'es dans un bus, est-ce qu'on en profite pour parler à ceux qui nous écoutent et qui verront l'éclipse en 2080? On va prendre un peu d'avance. Si on prend le bus, il vaut mieux être du côté droit ou du côté gauche? Ça dépend parce que c'est vrai que là cette année ça a été une mauvaise période parce que ils ont pris le 11 août, ils auraient pu prendre le 12 parce qu'en fin de compte le 11 sur Paris, moi je peux te dire, j'ai essayé de voir, on voyait rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait les nuages. Quel est le con qui a décidé de programmer l'éclipse le 11 août? Pourquoi on n'a pas fait ça un 14 juillet? Ça aurait été ça, qui sait? Qui sait? On n'en sait rien. C'est le gouvernement qui avait dit que ça allait être la fin du monde. En fin de compte, c'est pas la fin du monde. Non mais Gérard, qui sait Camille? Bon, on en parlera dans tes débats jeudi sur l'éclipse, mais est-ce que c'est pas encore le gouvernement et Chirac qui a décidé? Oh non, mais de toute manière, là-dessus, on va pas s'éterniser. Non, je suis d'accord, mais est-ce que quelque part l'éclipse, c'est pas un petit peu politique? Manière, si tu veux, dans un sens, oui, parce que là-dedans, ils nous ont bassinés toute une journée, ils ont mobilisé 3 chaînes pour nous faire voir ce qui se passait, nous faire voir le coucher du soleil qui se fait prendre par la lune, et puis ainsi de suite. C'est vrai que... Parce que c'est vrai, Grégory, le coucher de soleil s'est fait prendre par la lune. Non mais c'est vrai, non? C'est pour ça qu'on a plein de gosses dans la lune, c'est les étoiles. Parce que tous les 80 ans, ils s'enculent entre eux, le soleil et la lune. Mais sérieusement, moi, parce que moi, il y a un truc qu'on est en train de regarder, ça s'appelle... Gérard, t'étais où, toi? Gérard. Attends, Max. Ouais. T'étais où, toi, quand ça s'est produit, le 11 août? Le problème, c'est que nous, on était en Italie, qu'en Italie, comme ils n'avaient pas demandé à voir l'éclipse, nous, là-bas, on l'a pas eu, l'éclipse, parce que c'est le gouvernement, si tu veux, ils ont pas voulu qu'il y ait l'éclipse là-bas. Non, mais de toute manière, l'éclipse, là, maintenant, je crois que c'est pour nous, c'est pour 2081. Maintenant, les lunettes qui ont été données, pas les verres données, parce que maintenant, ça va être pour la Guadeloupe l'année prochaine. Attends, l'autre, derrière, j'entends rigoler Fulda Armanu, qui s'appelle, ces deux-là, là. Ils vont pas commencer à nous prendre la tête. Bon, il y a un mec sur Minitel qui me demande, il y a un mec sur Minitel qui est en train de me demander, je lis le message, il me dit, est-ce qu'il faut garder ses lunettes précieusement dans un placard pour les ressortir en 2080? Mais non, mais de toute manière, tu peux lui répondre, même je vais y répondre. Si c'est marqué CE, c'est bon, il les garde, il peut en faire une collection pour comme ça, il les aura pour 2081. Bon, le problème, c'est que le mec, il a déjà 40 ans, donc... 2081, il aura... je sais pas quel âge, hein. Ouais, 40 plus 80. Ouais, 40 plus 80, ça fait 80 ans. Moi, à 80 ans, je sais pas s'il la verra encore. Hein. Bah écoute, je sais pas. Le mec il demande, voilà, donc... Non mais c'est vrai que, c'est dommage que l'autre, t'as pas moyen de le rejoindre, lui, là. Bah non, le problème c'est que là, il est parti en Guadeloupe. Non mais pas l'éclipse, en douille. Non mais il y a des mecs sur internet là qui me disent, est-ce que c'est vrai ce que tu nous racontes que les lunettes... Alors donc ça veut dire que quelqu'un qui a des lunettes, est-ce qu'elles pourront être utilisées pour la Guadeloupe? Oui, parce qu'en fin de compte, c'est marqué CE dessus. Donc, eux, tout le monde va les récupérer pour les envoyer là-bas, en Guadeloupe. Et ça, c'est réel, hein. Ça, c'est réel. Ils vont récupérer les lunettes qui ont été fournies, qui ont été données gratuitement. D'accord. Ils vont les récupérer pour les envoyer là-bas. Il y a une question qu'on se pose avant d'accueillir Émilie qui voudrait intervenir avec Grégory, peut-être, ouais. Après, parce qu'après on terminera. L'éclipse, c'est vraiment, c'est français, quoi. Eclipse, de toute manière, on fait un débat là-dessus. Donc, moi, je pourrais te dire si c'est français, parce que je vais regarder sur le dico et je vais essayer de voir ce qui me net. Hein. Même toi, de ton côté, essaye de voir. Ah, pour le moment, on est en stand-by là. Sur l'internet, on cherche Eclipse, mais non. Bah, si, en principe, c'est français. Ah, alors, si, c'est marqué non féminin. Ouais, c'est une éclipse. Ouais, c'est ça. Ouais, non féminin et après ça. Ça se confirme là. Gérard ? Ouais, ça te met quoi après ? Alors, t'amuser avec ton jingle là. Non, alors, non féminin, observateur se trouvant sur une zone d'ombre, cet événement étant donné extraordinaire 370 ans dans le même de notre équipe échange d'extasie par rapport à une demande donnée. L'éclipse peut se voir à plus d'années d'année lumière tous les 80 ans, donc 2080, est disponible en CD et cassette. Non. Disponible en CD cassette, ça m'étonnerait. Non, si, de ce qui a été filmé. De toute manière, ça a été filmé, c'est vrai que moi j'ai vu sur. J'ai vu à la télé, c'était retransmis, c'est vrai que sur Fécamp, Reims et je sais plus l'autre département, c'est vrai que les gens ont pris des photos, c'est vrai. C'est beau à voir en fin de compte, parce que c'est un truc que tu ne reverras peut-être pas de ta vie. C'est un truc qui est beau à voir. Bon, sur Paris, c'était raté parce que le ciel n'était pas avec nous, parce qu'on avait des nuages. Il l'aurait fait le lendemain, fais-moi confiance que sur Paris, on l'aurait vu. Parce que moi, je l'ai regardé avec... Mais quel est le con d'homme politique français qui a eu l'idée de mettre l'éclipse le 11 août? Il pouvait pas faire ça un jour, il faisait beau. Bah ouais, mais parce que l'idéal, c'était quoi? Moi, je vais te le dire. Le mec, il se lève le matin à 6h, il voit qu'il fait beau, il se dit, tiens, aujourd'hui, je fais l'éclipse. Ouais, mais ça, on sait pas qui c'est qui a décidé, hein. On sait pas, hein. Moi, je me demande, c'est quoi? Parce que comme depuis que les États-Unis nous ont interdit de ramener du porc là-bas et compagnie, c'est de la nourriture, je pense que c'est un truc américain. Bon, on sait pas, hein. Mais c'est vrai que, en fin de compte, c'était beau à voir parce que sur Fécamp, il y avait du monde, c'était toutes les, ouais. tout le monde l'a vu, c'était un truc, c'est peut-être la dernière, tu me diras, c'était la dernière truc du siècle. Parce qu'en fin de compte, on va passer en l'an 2000. Donc quand à partir du 1er janvier. Oh putain, faut que je le note, ça. Donc le 1er janvier, tu vas faire la Java. À partir du 1er janvier, on passe en l'an 2000. Ah ouais, attends, t'es foufou de ma gueule, toi. Ah bon, d'accord, ok. T'es foufou de ma gueule. On va accueillir Émilie, 24 ans de Paris, qui est avec nous. Bonsoir, Émilie. Salut l'équipe, salut Gérard. Salut Émilie. Salut. Ça va? Ouais, moi je suis méga impressionnée par Gérard, tout ce qu'il connaît sur l'éclipse. Méga impressionnée. Parce que j'étais à Paris, on m'a dit qu'il y avait une éclipse, et en fait je l'ai pas vue, quoi. Mais alors, Émilie, je viens de l'annoncer, sur Paris personne n'a pu la voir parce que le ciel était couvert. Bon, c'est un scoop ça. Donc. Attends Gérard, excuse-moi, est-ce que les gens le savent? Bah oui, tout le monde était à. Bah non, la preuve c'est que. Moi je savais pas que c'était couvert. Ouais, fallait le voir, parce qu'en fin de compte, sur Paris, elle était prévue à quelle heure? À 10h42 exactement. Mm-hmm. Ouais, c'est pas la même heure partout? Hein? Non, d'après ce que j'ai compris, c'était pas les mêmes heures. Parce que sur Paris, c'était prévu 10h42 et en fin de compte, il n'y a rien eu. Pourquoi c'était pas à Paris? Donc, attends, Émilie, tu nous entends pas, Gérard? Oui. Ça voudrait donc dire qu'on nous aurait menti, quoi. Ouais. Bah oui, parce qu'en fin de compte, dans les rues de Paris, je sais pas si t'as tourné, toi, je sais pas où t'étais, toi, le 11 août, tu devais être encore en vacances. Non, moi j'étais à Paris, à Otranto. Ouais, j'étais dans le bus. Sur Paris, il y avait déjà les lumières d'allumer. Et en fin de compte, avec les nuages, on n'a pas pu la voir. On l'a aperçu l'espèce de lune là, bien brillante, parce que je l'ai vu moi avec les fameuses lunettes qui nous ont filées. Puis ça doit bien t'aller, toi. Ça doit être... faut bien dire une chose, que on a aperçu le croissant de lune, mais si tu veux, ça faisait pas comme à Fécamp ni à Reims, c'était pas ni sur Paris. Gérard, what? Ouais, ou autre, comme tu veux. Gérard, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Fécamp et à Reims, ils ont payé pour avoir l'éclipse? Non, mais ce qui s'est produit, c'est que là-bas, eux, c'était noir complet. Ouais. Il y avait le noir complètement. Bon. C'est ce que je propose à Émilie, ouais. Comme il est déjà minuit et qu'il est dans sa cabine. Comme demain, Gérard va venir. Bon, on va faire le débat sur l'éclipse, Gérard. Ouais. Jeudi soir. Mercredi demain, tu viens. Alors, attends, Gérard, laisse-moi terminer. Justement, c'est moi qui vais l'annoncer. Donc, étant donné que c'est le retour et que Sandy ne veut pas venir, donc toi, Max, je te le dirai personnellement. Oui, non, mais vas-y, dis-le. Donc, pour demain, ce sera les débats, les conseils de Gérard seul. Donc, si vous avez des conseils à me demander, donc n'hésitez pas à appeler le 0 01 40 521 521. Voilà. Donc le répondeur vous les conseille, et même à la rigueur au 0803 08 5000. Gérard, donc maintenant laisse-moi terminer. Donc jeudi tu feras un débat entre sur autres l'éclipse. Sur l'éclipse, mais demain comme tu as les conseils de Gérard tout seul, pour essayer d'y répondre. Parce qu'apparemment tu connais bien le sujet sur l'éclipse, hein. C'est dingue, comment tu connais. Disons, j'en connais sur l'éclipse, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il fallait se protéger les yeux, parce que au bout de normalement il y avait une question que tout le monde se posait, c'est est-ce qu'après l'éclipse, est-ce qu'on peut être aveugle ou pas. Donc la question, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas pour protéger les yeux. C'est vrai qu'ils ont été voir des ophtalmologistes. Je vais te le passer, Sam. Hein? Non, c'est un petit message personnel pour mon directeur, je vais lui passer. Parce qu'il me demande un disque. Donc, c'est les ophtalmologies. Donc, ils ont été voir les personnes pour les yeux. Et c'est vrai que sur l'éclipse qu'il y a eu, en fin de compte, il n'y a pas eu de danger. Tout le monde disait, oui, mais protégez-vous, parce que ça fera des. Il y aurait des aveugles et tout ça. Et ils pensaient à des dangers. Gérard. Mais on va en discuter plus un peu demain. Professeur! Professeur, voilà, professeur, on va s'arrêter là. Et demain, non, demain, on dit pas putain, on dit travail. T'as raison. Voilà. Donc, on va demain, on fera les conseils de Gérard seul. Mm-hmm. On parlera de l'éclipse. Et on en discutera un petit peu après. Donc éventuellement, Émilie, tu veux qu'on te rappelle demain pour parler de l'éclipse? Pas de problème, j'aurais plein de choses à demander à Gérard. Ouais. Très bien, bah écoute, merci encore Émilie d'avoir appelé. Bah, merci à vous. Max. Grégory, merci, bonne bourre. On peut enlever les deux. Ouais, Gérard. Oui. Ouais.